Chapitre 5e. Le résultat de tant de courses et de visites, sans compter deux journées entières employées à s'assurer un tapeur et des domestiques de renfort à veiller au souper, aux glaces, au thé, à la toilette d'Antonine, fut une violente courbature qui prit Madame Karzoff une heure avant le dîner, le jour de son bal. Il était trop tard pour reculer cependant. La malheureuse mère, victime de son devoir, endossa en gémissant une robe de soie lilas, trop étroite parce qu'elle la mettait rarement, et se tint de son mieux à l'entrée du salon pour recevoir ses visiteurs. Il vint beaucoup de demoiselles, amenées par leur maman, et plus encore de jeunes gens. Ceux-ci arrivaient tout seuls, une demi-douzaine de prétendants sérieux et une autre demi-douzaine de prétendants moins sérieux se groupèrent autour d'Antonine. Celle-ci avait eu pour premier soin d'ôter les bijoux dont sa mère l'avait chargée, ce qui lui avait attiré un coup d'œil flamboyant, mais sans effet. Très calme, pâle comme de coutume, vêtue de blanc, elle recevait les hommages de ses inconnus avec une indifférence parfaite. L'escadron sacré se tenait à peu de distance, sous la conduite de Jean Karzoff, que cette petite guerre amusait beaucoup. On commença à danser. Au moment où un des prétendants sérieux, homme d'une quarantaine d'années, chauve, un peu poussif, mais qui portait majestueusement des lunettes d'or sur son nez camu, s'inclinait devant Antonine pour la première valse, Jean la lui enleva sous ses besicles et l'entraîna rapidement à l'autre bout du salon. « Oh Jean !» s'écria Madame Karzoff. « Quel polisson !» Cette exclamation, qui n'était pourtant pas de cérémonie, n'arriva pas aux oreilles du jeune homme. Très affairé en apparence, il manœuvrait pour faire passer sa sœur au moment voulu au bras de Dournoff sans la reconduire à sa place. Le stratagème réussit parfaitement et l'escadron sacré comprit aussitôt la manœuvre. Après deux tours de valse, Dournoff déposa Antonine sur une chaise, non loin de sa mère. Mais au moment où les besicles se dirigeaient de ce côté, un des séides d'Antonine l'enlevait pour la repasser à un autre, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la valse fut terminée. En Russie, on ne danse pas toute une danse, sauf le quadrille, avec la même dame. Ce serait une haute inconvenance. On se permet tout au plus deux ou trois tours de salon, s'il est très vaste, après quoi l'on ramène la dame à sa place, où elle a la faculté d'accepter ou de refuser ensuite tel cavalier qui lui convient. Cette mode, à coup sûr moins fatigante que la mode française, permet à tout le monde de danser à peu près avec tout le monde durant la même soirée et devait fournir à Antonine de nombreux moyens d'esquiver les protégés de sa mère. « Écoute, lui dit sévèrement cette dernière, au moment où, occupée de ses devoirs de maîtresse de maison, la jeune fille s'affairait à pareiller les quadrilles. « Ne danse pas avec ces petites jeunes gens, les amis de ton frère. Tu peux les voir tous les jours. Tu vois bien qu'il y a des gens convenables, sérieux. C'est avec ceux-là qu'il faut danser, entends-tu ?» Antonine fit un signe de tête et s'esquiva. Lorsque les premières mesures de la contredanse retentirent, sa mère vit avec horreur qu'elle dansait avec un des petits jeunes gens. Elle lui adressa de loin une verte semonce qui fut perdue, comme le reste. « Pourquoi m'as-tu désobéi ?» dit Madame Karzoff, en rejoignant sa fille dans la salle à manger dès que la musique eut cessé. « Mais maman, ce n'est pas ma faute si Matébief m'a invité avant les autres. Je ne pouvais pas me douter que le gros monsieur m'inviterait. « Le gros monsieur !» répéta la mère effarée. « Eh oui, le gros monsieur à lunettes. À son âge, est-ce qu'on danse ?» Après avoir enfoncé ce poignard dans le cœur de sa mère, Antonine s'envola comme un papillon. 10 heures avaient sonné. Et le phénix des prétendants, le général de 35 ans, décoré de Sainte-Anne, n'était pas encore arrivé. Madame Karzoff jetait des regards inquiets, tantôt sur sa fille, qui continuait à danser de préférence avec les petits jeunes gens, tantôt sur la porte qui s'ouvrait souvent, mais pour laisser passer des visages connus. Enfin, sa bonne amie parut, vêtue d'une superbe robe de soie bleue, d'un bleu à faire rougir le ciel de juin, entraînant dans le remous des plis de sa jupe le général Titolov, qui avait beaucoup de peine à se dépêtrer. « Oh oh !» dit à demi-voix Dournoff, placé derrière Antonine à ce moment. « C'est sérieux, cette fois. » Le général Titolov avait en effet 35 ans environ, c'est-à-dire 37 ans et 11 mois. C'était un homme de belle prestance qui portait en avant un beau torse bombé, recouvert pour la circonstance d'un linge éblouissant et d'un gilet plus éblouissant encore. Le reste du corps, orné de drap fin, suivait ce torse magnifique. La tête qui surmontait le tout n'était pas indigne de cet ensemble. De beaux yeux gris, des sourcils noirs, une fine moustache noire, une virgule noire, des cheveux noirs très fins et frisés au fer, et surtout, haut si admirablement pommadé, des gants paille, un chapeau gibus avec des initiales surmontées d'une couronne. Tout cela était parfait, si parfait, que Karzov enfonça ses doigts dans les côtes de Tournov qui sursauta. « Comment peux-tu te comparer à cet oiseau-là » lui dit-il. « Mais tu n'es pas seulement digne de serrer la boucle de son gilet. » « Je la serrerai peut-être un tantinet trop fort, » répondit Tournov d'un air méditatif en contemplant la beauté incontestable du général Titolov. « Je vais aller voir s'il miaule ou s'il aboie, » dit Jean. « Il est impossible que cette tête-là parle d'une voix humaine, comme toi et moi. » Titolov, suivant toujours la robe de soie bleue, était arrivé auprès de Madame Karzov. « Le général Titolov, mon ami, est celui de mon mari, » dit la robe bleue en le présentant. Les talons de Titolov se rapprochèrent. Il inclina la tête avec un geste mécanique irréprochable et la releva aussi gracieusement, puis se pencha sur la main potelée de Madame Karzov qu'il porta à ses lèvres. « Enchanté, enchanté !» murmura la bonne dame en se retournant aussi vite que sa courbature le lui permettait. « Je vais vous faire connaissance avec notre famille. Mon mari, le mari salua, mon fils Jean, Jean Karzov venait bien mal à propos de demander une polka au tapeur aveugle et le salon retentissait des accords mélodieux des folichons. Jean s'inclina devant le monsieur qui lui serra la main à l'anglaise. « Et ma fille Antonine, où est-elle, Jean ?»« Là-bas, maman, » répondit respectueusement le jeune homme. Antonine était là-bas en effet, qui dansait la polka avec un petit jeune homme. Au moment où sa mère lui lançait un regard irrité, elle l'aperçut qui quittait le petit jeune homme pour repartir aussitôt avec les bésigles, et la colère de son regard se changea en une approbation qui devint du regret, en retombant sur le général Titolov. « Je vous la ferai boire tout à l'heure, général. Passez donc par ici. Trop heureux, » dit le général d'une voix suave. Jean s'enfuit en pouffant de rire vers ses amis. « Il ne miaule pas, » dit-il, « il bêle. » Antonine revint pourtant vers sa mère, car il fallait bien finir par là, et la présentation eut lieu. J'ai désiré me rapprocher de vous, mademoiselle, dit le général de sa voix mellifluée. L'impression que vous avez faite sur moi est ineffaçable. Antonine s'inclina légèrement comme pour dire on voit assez. Mais Titolov reprit. Je serais heureux que votre jolie bouche ajoutât une autorisation à celle que j'ai déjà reçue de madame votre mère. Antonine regarda sa mère. Hélas, l'autorisation n'était que trop écrite dans le sourire qui éclairait le visage de madame Karzov. « Répondons, Nina, » dit celle-ci. « Elle est si timide, » ajouta-t-elle en s'adressant au général. « Je ne sais quelle est l'autorisation que ma mère vous a accordée, monsieur, » dit Antonine en rougissant de sa propre audace. « Celle de vous présenter mes hommages respectueux. »« Antonine !» cria un peu trop haut Jean Karzov. « On a besoin de toi ici !» La jeune fille fit un petit salut qui pouvait passer à la rigueur pour un acquiescement et disparut en murmurant « Veuillez m'excuser. » « Ces jeunes filles, » dit sa mère en souriant, « elles sont si farouches quand elles ont été bien élevées. Et je puis me vanter que rien n'internit l'âme de mon Antonine. Elle ne sait pas seulement ce qu'on veut d'elle. » Le général Titolov et Madame Karzov se retirèrent dans la propre chambre couchée de la vertueuse dame, convertie en boudoir pour la circonstance, et eurent là une de ces conversations matrimoniales qui se terminent généralement par ces mots « C'est Dieu qui vous a envoyé sur mon chemin. » Toutes les mères débutent ainsi et tous les gendres commencent par là. Titolov dansa plusieurs fois avec Antonine. Son inexorable mère la retint auprès d'elle par la jupe jusqu'à ce que le général fût venu s'incliner devant elle, le bras arrondi et la bouche en cœur. Mais au dernier moment, pendant que le cotillon qui suivait le souper, selon l'usage de cette époque, Antonine trouva moyen de ne pas échanger 20 paroles avec son cavalier. Elle dansait avec lui, mais à chaque minute elle lui était ravie pour une figure, de sorte que s'il se retira enchanté de lui-même, de sa conduite irréprochable et de ses manières exquises, la jeune fille eut la consolation, en le voyant partir, de penser qu'elle ne lui avait pas dit 5 phrases. Dournov emportait dans le gant de sa main gauche un petit billet au crayon contenant ces mots. « À vous ou à personne, je l'ai juré devant les images. »